Le chant très émouvant du vent qui pousse les amants. L'amour est long. L'amour est lent. Les volements minuscules s'ils frisent le ridicule.